Ce vendredi, à la vie en BD, L'Esprit du camp, tome 2 de Michel Falardeau, Éloi Champagne et le musée de la symétrie à l'ONF, Dr. Sketchy Québec et Max Tache et plus. Raymond Poirier au micro, de retour pour une nouvelle saison de La Vie en BD, 8e saison pour l'émission, 8e saison explorée, différents pans, différents éléments liés à la sphère du 9e art. Donc, bref, un réel plaisir de vous retrouver. Et comme à l'habitude, ben, les émissions sont disponibles ou seront disponibles progressivement en balado-diffusion, notamment sur ckrl.qc.ca, également sur lavieenbd.wordpress.com. Et évidemment, ben, une belle émission pour vous, un retour assez varié en fait. L'objectif toujours que je me donne à la première émission, mais c'est d'essayer d'avoir un espèce de spectre assez large de ce qu'on va explorer au fil des prochains mois. Alors, un côté un peu lié au cinéma d'animation à travers une expérience virtuelle quand même assez particulière, c'est le meilleur terme que je peux utiliser pour la décrire, le musée de la symétrie, un travail de l'animatrice réalisatrice 2D Pamela Dawkins qui transfère tout ça dans un univers donc 2D, 3D, réalité virtuelle très particulier. On en parle en fin d'émission avec le directeur technique de l'ONF, donc Éloi. Éloi Champagne. Et également, en deuxième moitié d'émission, on aura l'occasion d'avoir Maxime Dubois, alias Max Tache, qui est le nouveau coordonnateur à Québec de Dr. Sketchy. Alors, ben, on va voir du côté du dessin, du côté de la mise en pratique, du côté de l'événementiel. Donc, aujourd'hui, le modèle vivant, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va en tirer comme avantage. Alors, ça, c'est un peu la deuxième moitié de l'émission. Et pour la première moitié, eh bien, je ne sais pas si vous étiez avec nous en septembre 2017, mais on avait choisi de commencer l'année avec un album qui avait été un réel coup de cœur pour l'équipe, c'est-à-dire pour moi, puisque je suis l'équipe, pour l'essentiel du moins. Alors, L'Esprit du camp, le premier tome qui est arrivé du côté du studio Lunac et qui avait mis la table de belle façon pour un deuxième tome qu'on espérait aussi bon. Et ben, c'est pas par hasard qu'on choisit d'ouvrir la 8e saison de l'émission avec le tome 2 de L'Esprit du camp comme album et comme sujet de discussion parce que, ben, finalement, il s'avère et je le dis officiellement à l'auteur puisqu'il est avec nous. Donc, c'est aussi bon que le premier et que ça fait un sacré bon diptyque. On est très content qu'il soit avec nous pour en jaser. Michel Falardeau, bonjour. Salut Raymond, comment ça va? Mais ça va très bien. Et Michel, en fait, dans l'esprit du camp, si on remet les choses en place, là, tu nous ramènes vers la fin de l'adolescence, vers les premiers amours, vers les camps de vacances. Tu nous entraînes dans un récit qui est en plein cœur de la forêt québécoise, dans un camp de vacances au fil d'un été. Et peux-tu nous rappeler peut-être d'emblée qu'est-ce qui t'avait amené, en des temps jadis, à choisir ce décor, ce lieu, à choisir une ambiance comme celle-là? La forêt m'inspire vraiment beaucoup d'histoires à base, parce que je trouve que déjà, si on parle d'esprit et pas de l'esprit des fêtes, mais bien d'esprit un peu fantastique, ben la forêt est vraiment plus à propos que la ville. Puis ben j'ai grandi dans le bois, j'ai été à ce camp de vacances-là. Mon plus grand jouet quand j'étais enfant, c'était la forêt. Fait que je pense que ça a marqué mon imaginaire assez fort. Oui, puis il y a quelque chose de particulier avec la forêt, parce que d'un côté, c'est un lieu, c'est dans la forêt verte, là, si on y va avec des références de notre époque, mais parallèlement, il y a aussi tout le côté inconnu, le fantastique, où on peut facilement laisser l'esprit dériver un peu quand on est tout seul en plein milieu du bois, là. Ben oui, ben en plus, on a déjà la forêt à elle seule, je trouve qu'elle est vraiment propice à ça. Et aussitôt qu'on s'éloigne un peu des bateaux puis des marinas, des plages, là, qu'on est vraiment dans la nature, puis tu fais juste rajouter un petit peu de noirceur à ça, puis en tout cas personnellement, moi quand j'étais enfant, ça prenait pas plus que ça pour que soit j'aille du fun ou que j'aille un peu trop peur puis que je retourne chez nous. Mais non, la noirceur, la forêt, c'est les meilleurs ingrédients pour amener un peu de fantastique et le rendre crédible, je pense aussi. Oui, puis comme tu dis, en fait, le fantastique qui arrive quand tu commences à mettre du noir un peu dans ton trait, tu sais, subitement, On passe de la journée qui est plus légère, qui est plus, ouais, plus humoristique, où, bon, évidemment, il y a des indices, la partie thriller reste là, mais c'est vraiment dans la nuit où, justement, là, le fantastique prend toute la place, là, si on peut dire. Oui. Ah oui, puis il a fallu que je fasse attention de pas... C'est... Moi, je me suis rendu compte avec les années que mon dessin, c'est pas qu'il est pas constant, mais l'émotion que j'ai en écrivant une scène va vraiment influencer ma façon de faire les personnages. Puis plus on va dans le sérieux, plus on va dans la nuit puis les peurs, hein, mes personnages deviennent plus semi-réalistes, alors que le lendemain, on retourne avec les enfants qui font des niaiseries de jour, puis les visages cartoon reviennent vraiment à la charge. Fait que, ben c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à faire les scènes de nuit un peu plus intenses, là, il a fallu que je fasse attention parce que j'allais mettre un peu trop de masse de noir, puis ça changeait trop le style de la BD. J'étais assez content du résultat final. Oui, puis d'une certaine façon, en fait, c'est vrai quand tu mentionnes que le côté réalisme prend plus de place quand on est la nuit, dans la mesure où on est moins dans le gag, dans l'humour, mais en même temps, peut-être un peu dans les postures, tes personnages sont plus enfermés en eux-mêmes, les bras se croisent, les postures se ferment, alors que dans le jour, au contraire, ils sont très éclatés, très exubérants, là. Oui, ben, à part Élodie qui a toujours pas mal les bras croisés, mais ben, ses bras vont prendre 8 chapitres à se décroiser tranquillement, elle. Mais... Pour les autres personnages, t'as tout à fait raison, là. J'ai le goût un jour de faire une autre série juste avec son groupe de 6 rousses complètement cinglés. C'est très libérateur. Et justement, peut-être pour contextualiser les gens, en fait, l'idée, c'est que on suit Élodie qui est arrivée, qui est coach dans un camp de vacances, c'est son premier été, et dans le premier tome, justement, on la voit apprivoiser ce groupe-là d'enfants qui sont pas facile. Et là, j'avais l'impression aussi, peut-être au terme du premier, où justement, là, elle a réussi à aller chercher cette confiance-là. Et donc, dans le deuxième, question de garder quand même l'aspect humoristique autour du gardiennage, pour des raisons nécessitées par le récit aussi, mais t'introduis un autre personnage, un gardien remplaçant qui vient renouveler aussi le potentiel à gag de des dynamiques de journée. Oui, ben... C'est pas un grand spoiler, mais Élodie doit se faire remplacer pour X raisons plus d'une journée. Et c'est le vieux Hector, le vieux bougon de maintenance du camp de vacances qui se charge des rousses. Et lui, il en a vu d'autres avant. Et c'est une autre, je pense que c'est une autre histoire d'amour qui se développe entre ces personnages-là. Mais tu sais, quand tu parles justement de garder l'humour, moi, je pense que c'était vraiment nécessaire, même si je vous cacherai pas, toi, tu le sais, mais le récit devient de plus en plus sérieux. Je pense que c'était important de jamais quitter que c'est un camp de vacances qui, à la base, est le fun, et c'est juste Élodie qui vit d'autres choses qui est plus angoissant. Mais il fallait garder ce dosage-là, au moins pour faire souffler aussi le lecteur. Puis, mais tu sais, je pense que tu en avais déjà parlé. Moi, je voulais pas que ça change de style. Je voulais toucher à d'autres styles dans ce récit-là, mais sans jamais quitter le premier jeté. Je voulais pas que ça vire en... j'essaye de prononcer le nom du réalisateur que j'ai jamais... Shyamalan, là. Shyamalan. Finalement, c'est complètement autre chose. Non, ça reste que c'est Élodie au camp de vacances. C'est une histoire d'amitié. C'est un récit initiatique où Élodie va se découvrir. C'est ça avant tout, puis ensuite, il y a d'autres choses, il y a une autre profondeur à l'histoire. Et c'est un élément important que tu amènes sur la notion d'équilibre, parce que tu l'as dit, je trouve personnellement que tu avais bien réussi dans le premier tome, et dans le deuxième, j'avais eu l'impression, justement, comme fallait aller quand même un peu plus loin dans un côté, disons, dramatique par rapport aux événements mystérieux qu'on ne révélera pas, mais d'une certaine façon, le personnage, justement, d'Hector te permettait d'aller plus à fond dans le gag avec les enfants, donc pour contrebalancer, d'aller un peu plus loin dans l'humour parce que tu vas un peu plus loin dans le dramatique, si on peut dire. Oui, ben, je dirais que c'était pas très calculé. Ça, j'ai l'impression que ça s'est fait instinctivement. Peut-être qu'il y a aussi le fait que Hector, parce que lui, il n'y a rien à prouver. Elle a dit, il faut qu'elle travaille tout l'été avec les enfants, fait qu'il est aussi bien de s'entendre avec eux autres. Mais Hector, il n'y a rien à prouver. Puis le contraste entre ce vieux bonhomme qui a l'air d'un ex-marin ou je sais pas quoi, avec des petites rousses qui sont des démons complètement adorables, mais insupportables. Il était tellement grand que je pense que ça pouvait juste faire de pousser l'humour encore plus loin. Et juste aussi avec le fait que la nuit, c'est plus intense, il y a plus de mystère, ben je pense que l'humour peu importe son niveau, arrive toujours plus en contraste, plus le récit avance. Oui, puis surtout dans le contexte où justement c'est les chapitres, on le dit sans rien trop en révéler, mais elle doit quitter momentanément, il y a des choses plus graves qui se passent, alors subitement, ouais, dans le fond, on allège un peu. Mais ça nous permet aussi, en parallèle, puis tu l'as mentionné aussi, je pense, l'idée de garder l'humain au cœur du récit. C'est un récit humain avec des éléments fantastiques plutôt qu'un récit fantastique avec des éléments humains. Oui, ah, mais ça, je pense que je pourrais... je suis prêt avec ça à vie. C'est la chose la plus importante pour moi, c'est de raconter des humains. Des humains qui ont des émotions et qui vont en vivre d'autres à travers un récit. C'est la seule chose qui me drive. Et puis je pense qu'aussi sérieux que les futures histoires, les futures histoires que je vais faire, aussi sérieuses soient-elles, il va toujours avoir de l'humour. Même si je faisais de l'horreur, il y aurait de l'humour. Là. Mm-hmm. Parce que je pense que de toute façon, même en temps de guerre, on rit. Fait que j'aime pas ça, moi, un film trop dark, les personnages sont pas capables même de sourire. C'est pas réel. Oui, puis en même temps, de toute façon, pour ressentir peut-être le côté dramatique, il faut s'attacher aux personnages aussi. Donc, ouais. Si Elodie était toujours justement les bras croisés dans son coin et qu'elle faisait pas les connexions qui nous permettent, nous aussi, comme lecteurs, d'aller couvrir, ben nécessairement, ce qui arrive dans le deuxième tome nous atteindrait franchement moins. Ah oui, oui. Puis faut dire aussi qu'avant d'arriver avec un moment intense, vraiment dark, il n'y a rien de mieux que placer son meilleur gag juste avant. On casse l'ambiance, schlack. Ouais, exactement. Ben, tu sais, on surprend le lecteur. Ben moi, oui. j'aime bien. Tu sais, souvent, les gens me demandent qu'est-ce qui va se passer, puis ils ont toutes leurs théories. Puis, tu sais, souvent, je donne au lecteur ce qu'il veut, mais je veux le traîner à travers un paquet d'affaires qu'il ne savait pas qu'il arriverait. C'est, moi, c'est pas tant le délivré, mais c'est le parcours qui est important dans le récit. Oui, puis on le voit aussi dans l'architecture de ton récit, dans la mesure où, et là, c'est toujours un peu difficile parce que je veux que les gens le lisent, ton livre, parce qu'il vaut la peine d'être lu, mais je veux quand même aborder ce point-là, c'est, dans le fond, le côté mystère, le fantastique, c'est un élément du parcours, mais c'est pas le parcours en soi, et si les gens, quand ils vont en librairie, ils regardent la dernière case pour une raison qui m'échappe, eh bien, ça finit pas avec l'aspect fantastique, l'histoire continue, elle, au-delà de cet élément-là, parce que ce qu'on suivait au départ, c'est l'histoire d'Élodie dans lequel il y a ces éléments fantastiques-là. En plein ça. Je pense que c'est juste le fait que, vu que c'est du surnaturel, c'est impressionnant puis ça marque, mais au bout du compte, comme tu dis, c'est une histoire d'amitié et c'est ça du début à la fin. Mais il y a une embûche à travers ça qui va s'avérer mystérieuse et fantastique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais établi très clair au début quand je commençais le récit, quand je montais juste le plan de mes chapitres. C'est que moi, au chapitre 6, il y en a 8 tantôt, au chapitre 6, ça allait être pas mal terminé, cette embûche-là, parce que je ne veux pas terminer avec, justement, tu sais, commencer avec une histoire d'amitié puis finir avec un drame fantastique. Là. Oui, puis surtout, dans le fond, que j'imagine, tu as fait le même exercice avec l'histoire d'amitié, justement, de voir comment elle va évoluer, progresser, et à un moment donné, on se rend compte qu'elle doit progresser aussi au-delà de la fin du fantastique, qu'à la limite, même ce fantastique-là devient un moteur pour les personnages pour leur permettre de faire évoluer leur amitié aussi. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, je pense, personnellement, pour moi, c'est vraiment important de tout souder ensemble et que chaque chose ait une raison d'être. Fait que, si ça avait juste été par 3-4 chapitres qu'on est rendu, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, sur une autre planète, ben, tu sais, que ça aurait vraiment apporté. Fait que, je suis tout le temps en train de me demander, ça apporte quoi à mon récit? Est-ce que ça va vers l'idée de base? L'idée de base, ça reste que Élodie et Catherine sont très différentes, mais vont se découvrir une et l'autre durant l'été, puis avoir un coup de foudre en amitié. Mmh. Et à travers ça, en fait, en t'entendant te parler un peu, on se dit, mon Dieu, Michel Falardeau est devant son comptoir, un peu comme le Ricardo de la BD avec ses ingrédients, sa recette. T'sais. Il sait où il s'en va. Et je me demandais justement, de manière sincère, autant sur la construction du récit, de trouver cet équilibre-là, à quel moment on le trouve? Est-ce que c'est un peu dans le scénario ou est-ce que c'est à l'essai-erreur? Puis en parallèle aussi, même sur les dialogues, sur la dynamique qu'on réussit à insuffler à la structure, à quel moment, tu sais, La magie de Falardeau se passe? Est-ce que c'est quand tu arrives sur la planche à ta 12e fois ou est-ce que c'est dans le scénario après 6 mois de travail? Ou... Je t'avoue que je passe... maintenant, je passe beaucoup de temps au scénario. J'ai écrit le tome 1. En fait, c'était juste un tome à base d'un tome de 200 pages qu'on a divisé en deux. J'ai écrit, je pense, pendant 3 mois ce scénario-là sans avoir fait un seul dessin. Et il n'était pas question que je commence une autre étape sans avoir fini ce récit-là. Ensuite, c'est un mélange. Tu sais, j'ai appris sur le tas comment écrire une histoire. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des bons coups, puis je pense, tu sais, j'ai pas une vraie méthode qui peut être enseignée. C'est, je vais beaucoup intuitivement, puis tu sais, je pense que j'ai parlé dans une entrevue récemment que j'ai une genre de mathématique spéciale de scénario, mais je suis pas capable de l'expliquer. Je sais juste que où faut que je mette mes choses, puis on dirait que je pense que je suis une bonne personne pour voir l'émotion globale de mon récit ou d'un chapitre, puis il me dit ah, ok, non, il y a un petit peu trop de dark, là ça parle un petit peu trop, puis de réussir à un dosage final. Tu sais, des gens qui sont plus techniciens pourraient me dire ouais, mais pourquoi tu fais ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de lien. Puis souvent mon explication serait oui, il y a un lien, mais c'est un lien émotif. Mm-hmm. C'est pas dans le dit, c'est dans le non dit. Puis je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une évolution d'émotion. On monte dans tension. Finalement, on le souffle un peu le lecteur avec l'humour ou du cute. On remonte tranquillement. Puis c'est souvent dans ce, comme un bateau sur une vague. Là, je pogne une vague, on redescend, on pogne la prochaine vague. J'aime vraiment pas ma comparaison de vague, mais on va continuer avec ça. Puis à travers ça, dans le fond, quand tu arrives à la mise en scène de ces éléments-là, parce que oui. En même temps, on est dans un camp, on est en forêt, mais dans le camp, il y a les lieux, il y a le camp, il y a le lac, il y a la montagne. Oui. Est-ce que tu te fais une carte pour évaluer les distances? Est-ce qu'il y a des éléments un peu comme ça, ou est-ce qu'on y va au guess un peu dans... J'avais tout fait les bleus de mes établissements, mes plans vus de haut, ensuite les vues extérieures. Non, j'avais tout fait... Je vais t'avouer que... Hey, j'arrête pas d'avouer des choses. les poteaux de téléphone du camp disparaissent, réapparaissent, changent de côté du camp, mais la plupart des choses sont pas mal à leur place où j'ai bougé légèrement pour accommoder les plans. Mais c'est la première fois que j'ai fait autant de recherche, je voudrais plus de planification. Oui, parce que j'aurais presque l'impression que le côté recherche va peut-être plus tomber dans le côté de l'époque, dans le fond, en 84, où, les décennies, les années 80, c'est une idée générale qu'on en a, mais si on va un peu pour l'immersion, mais de voir un peu c'était quoi les gens, à quoi ça ressemblait, le reste. Mais d'un autre côté aussi, l'aspect nostalgique est quand même moins au cœur du récit que, exemple, dans French Kiss 86, où là, on est en 86 à fond et on le sent beaucoup. Tandis que là, on dirait que c'est plus un peu l'idée de l'enfant dans le temps, pas d'internet, pas de réseau, on n'a pas besoin d'écrire de texto, on met ça de côté, puis on peut plonger plus dans l'histoire à proprement parler. Pour les éditeurs, je veux juste corriger parce que c'était du 84 alors que c'est 94. Oh, pardon. Mais non, c'est pas grave. Je pense que tu as raison, mais il y a aussi un aspect, c'est, tu sais, je parle beaucoup de musique, fait que, mais tu sais, c'est pas besoin d'avoir les références pour aimer le récit. Ça tourne beaucoup autour de la musique parce que Élodie est mélomane et bien sûr en signe à Catherine partage son amour de la musique, mais c'est dur en camp de vacances parce que en camp de vacances comme à la piscine, il n'y a pas de classe sociale, tout le monde est habillé, tout croche pour aller en forêt. Comme tu dis, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de référence. On est dans le bois, puis les choses vieillissent pas dans le bois. Fait que une année, j'ai arrêté de trop faire de recherche là-dessus. Oui, il y a des éléments, tu sais, comme de la mode grunge ou patati patata, un peu de fluo ou des mums pants, mais j'ai vraiment plus misé sur mes personnages, leur dialogue, en me disant, regarde, c'est pas si grave, c'est un contexte. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de maudits ordinateurs et de téléphones parce que c'est sûr qu'à un moment donné, j'aurais pas le choix d'en faire des histoires et tout, mais pour l'instant, ça. C'est pas très le fun d'écrire des discussions par téléphone puis de les dessiner. Oui, puis on dirait qu'il y a peut-être aussi quelque chose de plus, entre guillemets, naturel quand on raconte l'enfance ou l'adolescence, à leur plonger un peu dans nos références, notre enfance, à défaut d'avoir des enfants soi-même. Tu sais, c'est comme, je veux dire, quand je pense à l'enfance, c'est à mon enfance des années 80-90, un peu comme toi. Oui. Mais c'est drôle, tu dis ça, puis je me demande, parce que j'ai de plus en plus des jeunes lecteurs. J'ai autant de vieux lecteurs, mais ça s'élargit. Je vois des enfants fin primaire, en fait, des débuts d'adolescence qui commencent à venir me voir en dédicace. Puis je me, tu sais, eux sont nés, puis Internet, puis les téléphones étaient déjà dans nos, étaient autour de nous autres. je me demande comment ils réagissent à ce type d'enfance-là. Dans ma tête, ils doivent pas, ils doivent même pas se dire qu'ils n'ont pas de téléphone, parce que ça reste que c'est des humains qui ont des interactions. Mais je me demande pareil si les jeunes voient ça différemment, si ça a l'air de quelque chose de daté pour eux. Sans dire que c'est daté, c'est mauvais, là, mais tu sais qu'ils ont l'impression que c'est une autre époque. Je me questionne vraiment. Oui, c'est une bonne question, effectivement. Parce que, dans le fond, comme tu dis, le cœur de l'enfance, c'est là. C'est le jeu, c'est la dynamique, c'est l'adolescence. L'adolescence, qu'on ait un téléphone ou pas, c'est la découverte de soi. C'est le parcours qu'Élodie vit, finalement, dans l'esprit du camp. Fait que ces référents-là restent intemporels, d'une certaine façon. Puis après ça, c'est plus l'appareillage qu'on met autour qui en vient à changer. Oui, exactement, oui. Et dans ce contexte-là de travail, Michel, en fait, tu as continué de collaborer avec CAB au niveau de la couleur. Qu'est-ce que justement cette collaboration-là vient amplifier peut-être ou te vient apporter un peu à l'esprit du camp, justement, vient transformer ce que par rapport justement au sein de Noir et Blanc avant qu'elle vienne intervenir? Qu'est-ce que ça vient changer l'apport de Caroline dans ou apporter, parce que je veux dire, j'imagine pas des planches en noir et blanc. je suis encore vivant, donc c'est vraiment une bonne. Caroline a été très utile. A été faire 200 pages en couleur avec des ombrages. Ça aurait été sûrement pas aussi beau que Caroline. J'ai quand même colorié tous mes albums avant, mais meilleur que moi. Pour moi, je viendrais juste de finir le tome. C'est beaucoup trop long. Mais Caroline a du talent. C'est un peu un regard extérieur, en fait. Comment? C'est un peu un regard extérieur, intérieur, tu sais. Parce que comme dit elle-même, elle est BDS, là. Elle se l'est appropriée. C'est ça qui est le fun. Excuse-moi, je t'arrête pas de te couper. Non, c'est moi qui te coupe, en fait. C'est à cause du téléphone. Vas-y, mais oui, Caroline s'est vraiment appropriée toute la partie coloration. Le tome 1, j'étais un petit peu plus, je la dirigeais plus, puis finalement, j'arrête pas de dire c'est beau. Elle fait des ambiances, ses ciels, elle dit qu'elle a appris à faire des ciels qui sont soit écœurants, soit d'un fantastique éblouissant. Là, je veux dire, ces ciels de nuit, quand il y a un peu de magie de fantastique, sont écœurants. Je voudrais l'avoir pour toujours pour mes BD, mais c'est que Caro est une très bonne dessinatrice et scénariste aussi, fait que je pense pas que ça va arriver à nouveau. Puis je préfère l'avoir faire ses propres albums. Là, Hiver nucléaire, justement, une merveilleuse série qui va sortir bientôt, le troisième tome. Bon. Oui. Et dans le fond, évidemment, à travers tout ça, ça fait un objet complet avec donc des personnages bigarrés. On parlait d'ailleurs du personnage d'Hector, mais je pense que enfin, on peut pas parler de personnage excentrique sans mentionner le directeur du camp qui est un peu à l'image du récit, en fait, drôle et attachant le jour, mystérieux et sombre la nuit. Quel fun! Il y en a, pour moi, je réussis à m'en créer un de même, genre un par trois livres à peu près, là. Il va me manquer le directeur. Il est complètement, je sais pas si ça existe dans la vraie vie vraiment, mais c'est drôle. Je suis en train d'écouter des Friends, là. Je fais un pont vraiment étrange, mais je trouve que c'est genre un peu le Phoebe de ma série. Le personnage complètement fou, cinglé, mais complètement attachant aussi. Tout le monde m'en parle, fait que je me dis, j'ai réussi mon coup avec ce gentil fou-là. Là. Oui, on va attendre le fanzine ou quelque chose. Et donc, en fait, l'esprit du camp, donc le diptyque, l'aventure Esprit du camp est terminée. Est-ce que tu as déjà des albums où tu nous en reviens l'année prochaine sans dévoiler le projet, mais ta tarte es-tu déjà pas mal pleine? Je dirais l'esprit du camp, là, parce que là c'est un peu intense, les gens m'en parlent beaucoup, là, ils me demandent s'il va y avoir une suite, puis là j'explique, il y a un épilogue au tome 2 qui veut dire que c'est vraiment fini, mais les personnages, ils aiment tellement que ce serait possible de faire de quoi un jour avec eux autres, mais là j'ai besoin d'un break, là, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Par contre, normalement, au printemps, on va sortir ma série qui s'appelle, c'est un nom un petit peu étrange, c'est Si on était. Et c'est une série que je fais pour le magazine Curium, qui est un très, très bon magazine qui avec plusieurs bandes dessinées à l'intérieur. Et en fait, c'est on retombe un peu dans le même thème. Hein. C'est l'adolescence, mais là, actuelle, il y a des téléphones cellulaires. J'ai pas pu m'en échapper pour toujours. Et donc, ça va être le recueil de mes strips qui va sortir sûrement l'année prochaine. Sinon, je prépare un projet secret que je ne veux pas parler tout de suite, qui risque d'être une grosse, grosse, grosse brique. Alors, on va probablement s'en reparler donc l'hiver prochain pour les strips. Et d'ici là, mais évidemment, on a l'esprit du camp à se mettre sous les yeux de Michel Falardeau et de Cab du côté du studio Lunac. Michel Falardeau, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. À la prochaine. À la prochaine. Alors voilà, donc, mais toujours un plaisir, évidemment, de jaser de cette bande dessinée, L'Esprit du camp. Et ben, je réitère, en fait, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire le premier et le deuxième, par extension, ben faites-le dès lors. Écoute de la vie en BD. Avant de passer dans les deuxièmes segments d'entrevue, petit commentaire critique que je me permets, puisque ben on fait une belle pile d'albums qui s'est cumulée aux côtés de ma bibliothèque au fil de la saison estivale, et notamment ben j'ai été bien agréablement surpris par un album qui est apparu sous mes yeux, qui s'appelle Mimi Kaki, l'étrange volupté auriculaire. C'est de Yarrow Abbé, évidemment. Yarrow Abbé avait attiré activement mon regard vers cet album. J'avais adoré la Cantine de minuit, tome 1 et tome 2. Si vous n'avez pas lu, vous allez probablement aimer ça vous aussi. Et on retrouve un peu, en fait, parce que Mimi Kaki, c'est l'histoire que Abbé avait fait avant de lancer la Cantine de minuit. Et un peu comme ça a été le cas avec d'autres auteurs japonais, ben Lézard Noir, après avoir offert donc son gros succès, ben a été creusé un peu dans les titres précédents. Et c'est ce qui nous amène justement ce Mimi Kaki. Alors, un peu même structure, je dirais, que la Cantine de minuit, dans la mesure où dans ce récit, on se retrouve avec plein de récits courts autour d'un même protagoniste, donc qui entre en relation avec différentes personnes, qui a un impact sur toutes ses vies. Et contrairement à la Cantine de minuit qui était autour de la nourriture, pour ce qui est de Mimi Kaki, eh ben c'est autour du nettoyage d'oreilles. Alors essentiellement, donc on parle d'une pratique traditionnelle japonaise qui s'appelle le Mimi Kaki. Donc l'idée, c'est qu'on a un ustensile assez particulier qui est pas un Q-tip, mais quelque chose qui est un peu plus fin comme instrument. Et avec cet instrument-là, eh ben l'héroïne du récit réussit à nettoyer les oreilles, mais à les nettoyer à l'extrême. Dans la mesure où elle permet, à travers le récurage d'oreilles, eh ben, à ses personnes, à ses clients, ben, d'atteindre un grand, grand plaisir, voire même l'extase sexuelle. Et d'ailleurs, pour bien asseoir cet élément-là, eh ben, la première séquence du récit, c'est un vieillard qui est en train de mourir et comme dernière action, eh ben, demande à se faire nettoyer les oreilles par cette dame-là. Et ben, au même moment où il atteint la grande mort, il atteint également la petite, alors il part dans la douceur et dans le plaisir. Alors, ça donne un peu le ton sur l'impact que tout ça peut avoir. Et donc, nécessairement, on est dans la découverte sexuelle à travers ce récit-là, par le biais des oreilles et du nettoyage d'oreilles. Donc, différents personnages vont vivre un éveil de sexualité, que ce soit une femme qui n'arrive pas à avoir de plaisir au lit avec son conjoint qui va le trouver par le biais du nettoyage d'oreilles, que ce soit un garçon qui va vivre sa première expérience orgasmique, et plein d'éléments comme ça. Donc, tranche de vie, et à travers, dans le fond, la raison par laquelle ils ont ce besoin de ressentir et d'aller vers le plaisir, eh ben on découvre l'intimité de ces gens-là, on rentre en contact avec ces gens-là, et un peu comme Abbé le faisait avec la nourriture de façon brillantissime dans la Cantine de minuit, eh ben il réussit à le faire de manière peut-être moins brillantissime, mais tout de même fort intéressante à travers la notion du plaisir, de l'orgasme dans Mimi Kaki. Alors, c'est un objet particulier. L'histoire est finie, il n'y aura pas d'autres tomes. Donc, on a l'ensemble des petites histoires dans ce recueil-là. Mais si vous avez aimé La cantine de minuit, ça vaut le récit. Si vous êtes intrigué par la proposition que je vous ai décrite, ça mérite d'être regardé également. Donc, c'est un objet fort sympathique. Alors, c'est du côté de Lézard Noir. Ça s'appelle, je le rappelle, Mimi Kaki, l'étrange volupté auriculaire, et c'est par Yaro Abe. Voilà, donc nouvel extrait musical, et d'ailleurs en fait l'album qu'on écoute cette semaine, c'est l'album Twin Dragons de Please Lose Battle. Alors album d'un trame sonore d'un jeu imaginaire qu'on vous propose donc toujours dans la sphère 8 bits. Et on tombe, tel que mentionné d'entrée de jeu, mais on explore différents éléments, différents spectres des sujets qu'on souhaite aborder au fil de la saison ici à La Vie en BD. Tout à l'heure, on va jaser de cinéma, d'animation et d'illustration. Tout à l'heure, on a parlé de BD, et maintenant on va tomber dans la sphère du dessin et du modèle vivant et de l'événementiel. Maxime Dubois est avec nous. Bonjour. Salut Raymond. Et Maxime, en fait, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne suivent pas Dr Sketchy Québec sur Facebook, eh ben t'as repris les rênes en fait de Dr Sketchy Québec pour l'année à venir et peut-être au-delà. Un saut que tu as décidé de faire un peu dans la suite de ton engagement face à l'événement. Tu es un participant assidu et donc tu pousses un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait pour toi peut-être l'intérêt d'activités de modèles vivants et de dessins collectifs, si on peut dire, comme Dr Sketchy? Ben, en fait, moi, à la base, je viens pas du monde de l'illustration, je répète à chaque fois que j'ai une entrevue ici, je viens du monde de la musique, puis je me suis rendu compte que c'est comme un univers social qui existe pas tant que ça en illustration, dans ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, dans les dernières années. C'est un rendez-vous qui est mensuel, d'habitude, c'est les derniers dimanches du mois, exceptionnellement, il y en a pas ce mois-ci, à la fin du mois, c'était au début du mois. Mais d'avoir un rendez-vous, ce qu'on peut se rencontrer entre artistes, autant amateurs que professionnels, puis même des gens qui sont juste intéressés au dessin, mais qui en font pas tant que ça, c'est une bonne façon d'échanger. Puis tout le monde a le même modèle devant, et les résultats sont tellement souvent à l'ouest que c'est super intéressant, surtout qu'il y a des défis en fait qui sont suggérés pendant les soirées. Fait que moi, je participe à l'activité depuis ses débuts en mai 2016. J'en avais jamais fait avant. Donc moi, tout ce que je connais du monde du dessin d'observation, c'est Dr Sketchy. Autant Québec que Montréal, parce que c'est une franchise, ça existe un peu partout dans le monde. Oui, puis éventuellement, en fait, donc l'idée, c'était justement à l'époque de réunir un peu le milieu, de donner un rendez-vous collectif. Et j'imagine que, justement, bon, il y a un plaisir à travailler ensemble, et il y a un plaisir à se conseiller, à échanger autour de ce qu'on a réussi à en tirer, que ce soit en gens qui apprennent, que ce soit en personnes plus expérimentées qui accompagnent des gens qui débutent et le reste. Oui, ben en fait, tout le monde fait ses dessins de chacun de leur côté, si on veut. On a tout un modèle qui est au centre ou en face, là, selon la disposition de la salle. Mais au final, le fait qu'il y ait des défis, ça donne des résultats que les gens s'attendent pas. C'est ce qui ouvre plus facilement la conversation, en fait, rendu à la pause ou à la fin de l'événement, parce qu'on n'a pas le temps de discuter pendant qu'on dessine, ou presque pas, parce que les pauses sont très rapides. On parle de pauses entre 1 minute et 10 minutes au maximum, comme l'événement dure 2 heures en tout. Donc, il y a un certain nombre de pauses. Oui. Et contrairement, dans le fond, au modèle vivant traditionnel, où là, on peut avoir quelqu'un qui tient la pause pendant, quoi, 20 minutes, une demi-heure peut-être, là c'est beaucoup plus rythmé. Tu parles de défis, justement, c'est un peu dans les différentes pauses comme ça, ou en plus, il y a... En fait, la façon que la soirée est est faite, c'est divisé en deux parties. Donc, le modèle va avoir deux kits différents. On parlera des modèles par la suite, là. Mais on fonctionne avec des pauses qui sont plus rapides au départ, qui sont des pauses de réchauffement, donc 5 pauses de 1 minute, pour avoir le temps de s'approprier un peu la personne qui est devant nous très rapidement. Puis après ça, on passe à des pauses un petit peu plus longues. On passe dans les 3 minutes, ensuite dans les 5 minutes, 8 minutes, et on finit avec une 10 minutes avant la pause pour recommencer avec des pauses un petit peu plus courtes. Puis on tombe très rapidement dans les pauses plus longues, la deuxième partie, pour finaliser la soirée. Donc les pauses de réchauffement deviennent nécessaires parce que justement, c'est s'approprier un peu le visage, trouver les angles, essayer d'esquisser un peu. Oui. Donc c'est nécessaire pour réussir à bien se préparer par après? Bien, ça aide beaucoup à se préparer, à être rapide, en fait, parce que comme les pauses les plus longues durent environ 10 minutes, c'est pas très long. Les gens qui sont moins expérimentés, ben à force d'en faire pendant la soirée, on finit par faire à peu près une quinzaine de dessins, si c'est pas un peu plus, selon les formats des les longueurs des pauses pendant la soirée. À la fin de la soirée, on est quand même assez bien réchauffé pour la plupart des gens, et on finit avec des pauses qui sont plus longues, donc on peut plus profiter, puis on a l'impression, en fait, que les pauses durent beaucoup plus longtemps que 10 minutes. Ouais. C'est intéressant comme élément. Je dessine pas du tout, mais l'impression que j'en ai toujours, c'est que si on arrive avec 1 minute, 3 minutes, même 10 minutes, comme tu dis, c'est pas si long que ça, on est obligé de lâcher prise plus rapidement. On ne veut pas se casser la tête sur réussir à faire le nez. À un moment donné, on n'est pas capable, on y va, on continue, puis il faut senser, là. C'est ça, c'est ça. Puis en même temps, les pauses qui sont de 1 minute, vous allez dire, 1 minute, on peut rien faire en 1 minute, mais on peut quand même faire des choses. Il y a plusieurs personnes qui vont soit essayer de voir qu'est-ce que la personne dégage en général, la structure du corps, etc. Mais moi, dans mon cas, j'ai plus tendance à dessiner des bouts, en fait, de la personne, soit un bout de visage, soit le bras, la main. Juste le temps d'assimiler quelques éléments, puis après ça, voir si je suis capable de les intégrer dans des pauses un petit peu plus rapides, un petit peu plus longues, parce que de toute façon, c'est pas satisfaisant de faire un dessin sur 1 minute. Le but, c'est d'être plus prêt pour les pauses qui durent plus longtemps, en fait. Et l'autre élément, tu l'as mentionné tantôt, Maxime Dubois, en fait, c'est les costumes. Dans le fond, c'est le modèle lui-même. Il y a une dimension, en fait, qui selon les éléments, en fait, on a commencé beaucoup burlesque, éventuellement, on a intégré burlesque vers le cosplay, on joue un peu avec des dimensions de la costumade. Il y a des numéros, des fois, de cirque, il y a un côté performatif aussi. Oui. Donc, parlons un peu de l'ambiance et du type de modèle qu'on découvre dans ces soirées-là. Bien, jusqu'à maintenant, Dr. Sketchy, c'est vraiment un parti du burlesque. Dans celui de Québec, là. C'est chaque Dr. Sketchy va y aller avec les modèles qui ont les contacts, etc. Ça se forme un peu comme ça, mais la plupart du temps, ça vient du monde des arts de la scène. Nous, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, comme tu disais, on a eu du burlesque, du théâtre, on a eu des drag queens, on a eu des bio queens, donc une femme qui était en drag queen. On a eu l'école de sirène, on a eu des contorsionnistes, un musical, un clown, une musicienne. Pour l'instant, on a vraiment eu des gens de plein de sphères différentes, mais il y en a d'autres qui s'en viennent également. C'est selon la personne qui organise l'événement, c'est sûr que les contacts sont pas les mêmes. Fait que ça joue un peu là-dessus, mais de se concentrer sur les gens du monde des arts de la scène, en général, c'est des gens qui sont à l'aise devant les gens. Déjà là, ça part avec des points supplémentaires. Mais en même temps, c'est des gens qu'on n'a pas souvent la chance de les avoir fixes devant nous. Mm-hmm. D'habitude, c'est des gens qui sont plus... qui vont dégager quelque chose, mais qui vont pouvoir le faire en parlant puis en se déplaçant. Mais là, ils pourront pas le faire ou presque pas. Ils vont devoir maintenir les pauses et embarquer dans les défis également. Ils font partie de l'équation. Autant que les dessinateurs, l'expérience se joue des deux côtés, car ils sont pas prévenus de tout. Oui, puis dans le fond, d'une certaine façon, comme on est dans un contexte performatif avec des pauses, ben dans le fond, l'énergie vient dans l'action et le dessinateur, j'imagine, en voyant l'énergie que dégage le modèle, le voyant agir, interagir, eh ben ça vient influencer aussi, orienter la façon par laquelle tu vas le dessiner. Oui, c'est sûr que chaque modèle vont pas dégager la même chose, puis le fait qu'on y aille avec deux kits de vêtements, deux costumes différents avant la pause et après la pause, ça permet de créer deux univers très différents, très distincts, avec la même personne. Donc, c'est quand même le fun. Ça permet, en fait, d'explorer plus dans la même soirée. On passe pas 2 heures avec la même chose devant nous. C'est comme si on avait 2 modèles pour le prix d'un, si on veut. Et toi, côté organisation, j'imagine qu'il faut penser quand même un peu à l'avance. Tu peux pas y aller à la petite semaine, donc tu sais déjà pas mal à quoi tu t'attends jusqu'en décembre, à tout le moins, novembre ou... Ben, en fait, là, c'est sûr que là, je prends le relais, fait qu'il va y avoir des petits décalages un peu, comme là, il y en a pas à la fin du mois, comme je suis à l'extérieur du pays, fait que ça peut arriver, là. Mais fin octobre, on est en train de Je dis on, mais en fait, c'est quand même moi qui organise pour l'instant. Oui, c'est fun de dire on. Ça donne l'impression qu'on est une grosse équipe. Là. C'est ça. Fait qu'on est en train de regarder une collaboration du côté de La Faute à Ève, qui est une agence de photos pin-up, qui est très empowerment féminin. Donc, je veux pas en dire plus que ça, mais on s'est déjà rencontrés, puis c'est en procédure. Là, fait que ça s'en vient, ça va être pour fin octobre. Donc, c'est ça. Pour octobre, c'est déjà presque cané. Il reste novembre. Je m'y prends un peu d'avance, mais j'y vais au compte-gouttes aussi. Là. Et en même temps, c'est un petit plaisir additionnel justement d'organiser, de proposer justement tes défis, de proposer ton rythme de soirée, tes modèles aux dessinateurs après avoir reçu les propositions de Simon Trudeau puis de son équipe. Oui, exactement. Puis en même temps, là, j'ai parlé des défis, les défis, mais c'est quoi les défis? je vais donner des exemples assez simples. Les poses avec la main non dominante font partie des défis, c'est un défi très standard, mais en même temps, de faire plus qu'une pose d'affilée, donc mettons 3 poses de 2 minutes ou 3 poses de 3 minutes, à la fin, on est rendu un peu plus à l'aise, puis on se rend compte qu'on crée des choses qu'on ferait pas naturellement. Le but, c'est aussi de... Les défis, le but, c'est pas juste de faire suer les dessinateurs. Ça en fait partie, là, mais le but, c'est pas que ça. C'est aussi de les sortir un peu de la zone de confort. Puis ça amène beaucoup la discussion, comme je disais. Ça amène l'échange, puis de voir qu'est-ce que des gens, autant amateurs que professionnels, des fois, les résultats sont pas très loin, pour plein de raisons. Parce qu'il y a le côté naïf qu'on trouve pas, etc. Mais autant du côté pro, mais ce côté-là, c'est plus concentré, c'est plus contrôlé. Fait que ça joue un peu là-dessus. D'autres exemples qu'il y a eu, c'est créer des décors ou des éléments qui sont extérieurs, qui sont en lien avec le modèle, qui sont présents. En fait, ça va vraiment varier beaucoup. Comme le mois dernier, c'est au début de la semaine. Le modèle, on avait un viking. Et comme il y a plein d'accents à travers son nom, ça m'a fait penser au IKEA. Donc, j'ai invité les gens qui étaient présents avec la pose qui était suggérée par notre modèle Thomas Thunderstock, de rajouter un meuble IKEA avec le modèle, un meuble qui coordonne bien avec le personnage, et de le nommer. Donc, ça amène les gens à réfléchir à d'autres trucs qu'ils n'ont pas pensé peut-être en arrivant. Ça, c'est le genre de défi qui a été fait. Un autre défi qui a été fait, je vais aller rapidement, un autre défi qui avait été fait pendant la soirée que j'ai organisée dimanche, on a pigé au hasard quelqu'un dans l'assistance qui était dans les dessinateurs. Cette personne a dû se rendre sur la scène, en plein centre, et choisir une pose pour le modèle. Mais la personne ne devait pas juste choisir la pose, devait également tenir la pose avec le modèle. Les deux tenaient la pose en miroir. C'est un peu audacieux, mais en même temps, le but, c'est de conscientiser les illustrateurs à ce que les modèles font. C'est quand même assez... ardu. C'est assez ardu, mais je suis chanceux, je suis tombé sur quelqu'un qui en avait déjà fait. Donc, c'est un beau hasard, mais c'était pas prévu. Et en terminant, Maxime, on mentionne aussi, parce que tu l'as dit, le prochain Dr. Sketchy va à la fin octobre, oui. Mais si les gens veulent voir un peu le résultat des Dr. Sketchy, pendant tout le mois de septembre, on peut se rendre à la Ninkasi, et l'exposition qui est là, la Ninkasi sur la rue Saint-Jean, c'est justement un best-of de Dr. Sketchy Québec. Oui, en fait, c'est les gens qui ont participé à Dr. Sketchy depuis les débuts ont été invités à partager des dessins qu'ils ont faits, qui s'étaient fiers de ces dessins-là depuis les tout débuts. Donc, les modèles sont très diversifiés dans ce qui est présenté. On n'a pas tous les modèles qui ont participé parce qu'on était limité à ce que les gens pouvaient nous donner. Mais ce que vous allez voir en allant à la Ninkasi au deuxième étage, c'est l'exposition Sketcher, qui est une exposition collective avec plusieurs participants. On est 16 participants dans l'exposition. C'est quand même très bien, puis souvent très représentatif, comme il y a beaucoup de personnes qui sont revenues depuis les débuts à l'activité. Oui. Donc, la communauté et son travail. Et si les gens veulent se joindre à la communauté, ben on cherche Dr. Sketchy Québec sur Facebook. On aime la page. On est également sur Instagram aussi. Sur Instagram. Oui. Et on est là fin octobre. Qu'on soit débutant ou expérimenté, tout le monde est bienvenu. Puis même les observateurs sont le bienvenu. C'est important de le mentionner, oui. Effectivement. Faut pas se gêner. Alors, ben Maxime Dubois, merci beaucoup. Merci, Raymond. Et je rappelle donc Dr. Sketchy Québec, donc sur Instagram, sur Facebook, pour plus de détails. Et nous, on repart en musique avec The Floor is Lava. Dernière ligne droite de l'émission La vie en BD de ce retour en ondes pour une 8e saison. Et on va aller lorgner du côté du cinéma d'animation, du côté du jeu vidéo et du côté de l'illustration avec notre prochaine rencontre. Un jeu qui a été lancé sur la plateforme Viveport par le biais de la boutique en ligne Steam depuis le 9 août dernier. Un jeu qui est en tournée également d'événements, qui a été à Vancouver, qui a été à Montréal et qui sera sûrement ailleurs au fil des mois à venir. Et on avait bien envie de vous en parler parce que c'est un objet qui est, ma foi, très particulier. Pour en jaser avec nous, on est en compagnie de Éloi Champagne, qui est directeur technique pour l'Office national du film, l'ONF. Bonjour. Bonjour. Et le cœur de notre sujet, évidemment, c'est le Musée de la Symétrie, une réalisation de l'illustratrice Paloma Dawkins. Et avec le Musée de la Symétrie, ben, l'ONF nous entraîne dans la sphère de la réalité virtuelle par le biais de ce travail. Un projet qui avait débuté, si je ne m'abuse, sous la forme d'un jeu 2D. Puis, au fil du développement, on est passé de la 2D vers la réalité virtuelle, vers une expérience véritablement immersive à proposer aux joueurs. Oui, effectivement. Paloma est une artiste qui fait de la bande dessinée, qui fait de l'animation 2D traditionnellement, et qui est aussi qui a appris elle-même à faire des jeux vidéo en utilisant un engin de jeu Unity dans ce cas-ci. Et le but, quand elle est venue nous présenter son projet, c'était vraiment de faire au départ un jeu vidéo 2D plutôt traditionnel, mais avec une approche différente là, au niveau de la comment on racontait des histoires, puis toujours en utilisant son style qui est très particulier. Mais au fur et à mesure du travail de développement, on s'est rendu compte que c'est un projet qui serait probablement plus intéressant en réalité virtuelle. Puis ça tombait au même moment aussi où la réalité virtuelle devenait un peu plus mature, nous permettait d'imaginer qu'on pourrait réussir à faire un projet comme celui-là. Et en route, justement, un peu comme c'est souvent généralement le parti pris, en fait, à l'ONF, on part de la vision de l'artiste pour développer le produit au bout du compte. Et dans ce cas-ci, on est dans un jeu qui a de jeu le nom, essentiellement parce qu'on a écarté la narration conventionnelle, on a écarté les mécanismes du jeu, l'objet, la quête, et on est plutôt dans une invitation à l'exploration. Je parlais d'expérience tantôt, je pense que c'est peut-être un des bons termes, là. Absolument. Oui. C'est ce qui définit souvent, d'ailleurs, beaucoup de travail en réalité virtuelle dans les premières années avant qu'il y ait des jeux vidéo plus matures. C'était le développement. On était encore en train d'étudier le langage de la réalité virtuelle, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, comment la mécanique fonctionne. Donc, de créer des expériences, c'était peut-être un peu plus évident. Dans ce cas-ci, ça a toujours été un peu le but de Paloma, par exemple, d'arriver avec quelque chose qui était beaucoup plus une expérience explorative qu'un jeu vidéo avec une mécanique traditionnelle. Et ça se prête vraiment bien aux propos, ça se prête vraiment bien à l'expérimentation qu'on voulait faire aussi du 2D en, disons, appelons ça le 2.5D, là, le 2D dans un environnement 3D immersive. Le projet se prêtait vraiment, vraiment bien à ça, puis que ce soit quelque chose qui était beaucoup plus exploratif plutôt que quelque chose qui avait vraiment une mécanique de jeu où on devait soit accumuler des objets ou répondre à des casse-têtes. C'était beaucoup plus intéressant de faire quelque chose qui était interactif. Oui, il y a quand même des interactions entre l'usager et l'environnement autour, mais qui n'était pas nécessairement un jeu traditionnel. Et Éloi Champagne, on mentionne justement le 2.5D. Dans le fond, l'idée d'amener de la 2D dans un environnement 3D, ça, c'est quelque chose de nouveau. En fait, c'est quelque chose qui n'avait pas été tant ou réellement expérimenté avant, justement, le Musée de la Symétrie. Effectivement. Puis encore, il y aurait encore beaucoup de place à l'exploration. Je trouve qu'on a... c'était notre premier essai à ce niveau-là. On a appris beaucoup de choses en faisant le projet. Mais je pense qu'il y aura encore énormément de place à pousser cette expérimentation-là plus loin. Et le résultat est vraiment, vraiment intéressant. Là. Je pense qu'il y a moyen pour beaucoup d'artistes de traditionnels de 2D, de peut-être penser à faire de la réalité virtuelle parce qu'il y a vraiment une belle possibilité de raconter des histoires là-dedans. Puis dans le fond, c'est une extension assez naturelle de l'animation 2D traditionnelle où on faisait ce qu'on appelle juste le mot anglais qui me vient en tête, le multiplaning, on travaillait sur des plans différents pour donner une impression de 3D à ce que Disney avait développé dans les années, je pense, en 1927 ou 37, mm-hmm. 37 la première fois, je crois, le premier système multiplane avancé. Mais là, dans le fond, ce qu'on obtient dans un engin de jeu, c'est du multiplane en temps réel, Donc, tout ce qui est parallaxe, mouvement, impression de 3D, mais avec des éléments qui sont juste 2D, qui sont juste superposés dans l'espace, un avant l'autre. Mais ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Puis c'est assez intéressant comme façon de développer des expériences VR. Alors, j'espère qu'il va y avoir... Peut-être que nous, on va en faire d'autres aussi, exploration dans cette direction-là, mais j'espère qu'il va en avoir d'autres qui vont venir de d'autres studios aussi. Oui, puis pour pas casser l'immersion d'une certaine façon, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est du 2D, mais comme on peut se promener quand même un peu dans l'expérience en réalité virtuelle, dès qu'on tombe sur le profil de l'objet, l'immersion est cassée, mais justement, le jeu est conçu de façon à ce qu'on soit toujours face, dans le fond, aux différents éléments, donc ça fait qu'on n'est jamais en contact au-delà de ces éléments de volume-là, à leur facette 2D, à leur absence de tridimensionnalité en termes de profondeur, là. Exactement. On a utilisé des systèmes dans l'engin de jeu qui faisaient que les plans font toujours face à l'usager. On a aussi, en un sens, triché un peu en intégrant le tout dans un environnement 3D où il y avait un peu de modeling 3D de fait. Mais encore là, je pense qu'il y aurait à expérimenter beaucoup plus où on pourrait avoir des interactions avec des éclairages réels et des plans 2D, mais qui ont je ne vais pas tomber dans la technique, là, mais qui ont la capacité de recevoir l'éclairage d'une façon plus naturelle. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on pourrait faire qui rendraient ça toujours 2D, mais permettrait de préserver encore mieux l'impression d'être dans un univers complet, riche, et qui interagit avec nous. Là. Ouais. Oui, puis j'ai l'impression, d'une certaine façon, en fait, le parti pris d'avoir été à fond aussi dans un kaléidoscope poétique, si j'essaie de le décrire. Ouais. Ben, en fait, l'idée, justement, de pas s'arnacher au réel, mais de construire un monde qui est résolument différent, distancé de notre réalité, dans un univers qui est coloré, qui est fantaisiste, on dirait que ça vient favoriser, justement, le sentiment d'immersion, parce qu'on cherche pas à reproduire les règles de notre réalité, mais on cherche plutôt à comprendre celle de la réalité que nous propose l'ONF puis Paloma Dawkins. Oui, ben en partant justement le parti pris, c'est comme tu disais au début de l'interview, c'est de rester proche de ce que l'artiste a comme idée, mais aussi comme style, comme son genre artistique. Alors, on voulait vraiment transmettre ou traduire le style artistique de Paloma, qui est vraiment particulier, et avoir eu à travailler par exemple avec des modèles 3D, avec une mécanique beaucoup plus difficile au niveau de la production, aurait probablement amoindri la qualité artistique, je pense, du projet. Mais l'autre chose, effectivement, c'est d'arriver avec un projet qui... mon Dieu, je parle de film, mais un projet qui se tient... Dont les règles sont cohérentes, dans le fond. Dans les règles, effectivement, c'est ça. J'espère que les gens vont avoir la chance d'essayer. Malheureusement, il n'y a pas tant de gens qui ont accès encore à des casques de réalité virtuelle à la maison. Là. C'est gratuit pour ceux, en tout cas, qui cherchent à l'avoir. C'est totalement gratuit sur la plateforme Steam ou Viveport. Puis pour les autres, comme effectivement, ça va être disponible dans des festivals un peu partout. À Ottawa, par exemple, Festival d'animation à la fin septembre, mi-septembre. Prochain rendez-vous, je pense, est il va y avoir une porte ouverte à l'ONF à la fin septembre aussi. Peut-être regarder pour ça. Ça va être disponible donc à Montréal. Ça va être en Italie au mois d'octobre. Donc ça va appeler à voyager encore pas mal. Et d'ailleurs, je mentionne là-dessus aussi parce que c'est important. Souvent, dans un contexte d'installation, réalité virtuelle installative, souvent, c'est des séquences quand même assez courtes. Des jeux de quoi? 3, 5, 7 minutes. Oui. Dans le cas du musée de la symétrie, c'est une expérience d'une vingtaine de minutes quand même, là. Oui. C'est effectivement, ça a été un problème un peu dans certains cas où, je pense qu'il y a des festivals ou des endroits qui feraient des installations, des musées, qui là trouvent que c'est peut-être un peu trop long. Par contre, récemment, on était à SIGGRAPH à Vancouver, où à la base, ils souhaitaient jouer juste seulement un niveau, donc rester autour d'une expérience de 5 minutes. Et finalement, en allant voir sur place, ils ont décidé de laisser les gens jouer l'expérience au complet, puis ça a très bien été. Là. Alors c'est possible, mais on est en train de développer en parallèle une version, des petites versions, des versions courtes, pour que justement l'expérience puisse peut-être voyager un peu plus dans des musées ou dans des endroits Ou effectivement, la limite de 5 ou 7 minutes serait peut-être plus appropriée. Et en terminant, en fait, je mentionne aussi au passage, l'ONF, depuis quoi, 4-5 ans, vous faites quand même pas mal de réalité virtuelle, oui. Animation, documentaire, jeux, films. Est-ce que, dans le fond, on a l'impression justement que c'est nécessaire un peu pour amener cette discipline-là et voir les possibilités d'accompagner justement quand même pas mal d'artistes pour expérimenter un peu, puis vous aussi, vous développez une expertise là-dedans? Oui, c'est exactement ça. Je pense que l'ONF est un lab, essentiellement, est un grand lab, et les apprentissages qu'on fait bénéficient ensuite à la communauté, autant au niveau du cinéma, de l'animation, du documentaire, que l'industrie privée, le jeu vidéo. Donc, on a la chance ici de pouvoir expérimenter et souvent de développer même une relation assez proche avec les développeurs de logiciels ou ceux qui développent la technologie, parce qu'on peut prendre leur technologie, leurs produits, puis l'amener dans des directions qui sont différentes. Qui permettent de tester parfois un peu plus loin les possibilités. Alors, étant un lab comme ça, c'était assez normal, je pense, de sauter très tôt dans la question de la réalité virtuelle. En fait, dès les débuts, là, dès qu'Oculus est devenu quelque chose d'un peu praticable, on a commencé à expérimenter, puis ensuite, on a vraiment regardé où on pouvait appliquer ça, dans quel domaine. Donc, l'animation, c'était quelque chose d'assez naturel. Le documentaire, on fait des tournages sous-marins maintenant, on fait vraiment toutes sortes de choses, fait que c'est, et des installations, des projets interactifs, on développe le web pour l'internet, là, donc le WebXR. On est vraiment un petit peu partout en train de découvrir le langage, puis de partager ça avec aussi la communauté au Canada puis à l'international, là. Fait que c'est une belle. Je pense que on peut être fier d'avoir l'ONF pour expérimenter puis explorer ces avenues-là. Et on continue évidemment de vous suivre là-dedans. Éloi Champagne, directeur technique donc à l'Office national du film, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à une prochaine. À une prochaine. Alors voilà, donc on jasait du projet donc Musée de la symétrie. Je rappelle, une réalisation d'illustratrice et réalisatrice Paloma Dawkins. Et en fait, le jeu, comme on l'a mentionné, est disponible si vous avez un Vivport. Par le biais de Steam, il est accessible gratuitement. Sinon, faut garder les ouverts sur les festivals et autres événements où la réalité virtuelle est à l'honneur. Peut-être le jeu s'y trouvera-t-il. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes du 89.1. Nous, la semaine prochaine, on se retrouve dès 17h30. On aura Tristan Rouleau avec nous, Michel Giguère, entre autres invités. Alors c'est un rendez-vous. Donc passez une excellente semaine sur CKRL.